Messieurs, veuillez rester attachés jusqu'à l'arrêt complet de l'appareil à l'aéroport, s'il vous plaît. Bienvenue à vous, suivez le guide au Sénégal, une série née de la rencontre avec Mohamed Sako, stagiaire à Radio Jéricho Metz en 2009. Mohamed vit depuis quelques années en France, venu pour ses études, et l'idée a germé d'enregistrer une série d'émissions dans son pays. Le Sénégal, bordé par l'Atlantique à l'ouest, la Mauritanie au nord, le Mali à l'est, la Guinée et Guinée-Bissau au sud, sans oublier la Gambie, enclavée dans le Sénégal. 12 800 000 habitants, les principales villes, Dakar bien sûr, en bord d'Atlantique, Touba, Thiès, Mbour, Kaolack et Saint-Louis, une population majoritairement wolof. Les langues principalement parlées, le wolof et le français, langue officielle. Les religions, l'islam à 94%, l'animisme 1% et les chrétiens 5%. Suivez le guide au Sénégal. Saint-Louis est historiquement l'une des villes les plus importantes du Sénégal, comme en témoigne son inscription sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. 170 000 habitants, nous sommes à 250 km au nord de Dakar, 3h30 de route pour rejoindre Saint-Louis. La Mauritanie est toute proche. Saint-Louis, c'est aussi l'embouchure du fleuve Sénégal, long de près de 1800 km, qui se jette à Saint-Louis dans l'Atlantique. Nous allons faire la connaissance aujourd'hui de Jean-Jacques Bancal, le Sénégalais blanc, ami de Richard Bohringer, grâce à qui nous avons rencontré Jean-Jacques et qui dirige avec Muriel, son épouse, l'hôtel La Résidence, situé dans le centre historique de Saint-Louis. En octobre 2006, Jean-Jacques Bancal voit aussi aboutir son rêve de faire revenir à Saint-Louis le Bou El Mogdad, navire mythique du fleuve Sénégal, à bord duquel vous pouvez partir en croisière. Donc vous partez au Sénégal pour faire une série d'émissions radiophoniques. Absolument. 10 jours d'enregistrement au Sénégal. Super, parce que la radio reste mon vecteur préféré. Alors, comment aborder ce putain de Sénégal, celui qu'il faut absolument que vous voyez, parce qu'il y en a un qui n'est pas à voir. Il y en a un qui est sinistre, qui s'appelle la Petite Côte. Sali, la Petite Côte. Ça, c'est le Sénégal touristique. Oui, mais pire que ça même. Okay. C'est le sale endroit du Sénégal. Alors, vous allez certainement monter en Casamance. J'espère. Bon, moi, je dis monter. Hein. Oui, parce que c'est un peu au sud de Dakar. Je dis monter parce que j'ai toujours l'impression, quand je descends vers le désert. Comme si Dakar était sur une colline et que. Voilà. Alors, Sénégal, le Sénégal bleu, la Teranga, quoi. Alors, la Teranga, il faut savoir que le Sénégal est le pays le plus hospitalier. C'est-à-dire qu'à Dakar, vous avez les quartiers ghanéens, guinéens, ainsi de suite, et tout, que tout ça vit très bien. Alors, descente sur Saint-Louis. Alors, Saint-Louis, ville mythique, totalement mythique, ville extrêmement religieuse. Une ville entourée du mysticisme le plus fervent. Une ville magnifique. Quelque chose d'irréel, un peu comme ça, hein, quelque chose. Pourtant, il y a une vie bien costaud, bien difficile, bien durail. Avec le grand fleuve Sénégal, avec ce pont Fédère, qui était un de nos ouvrages français, ainsi de suite. Avec le grand bateau blanc, qui est à quai maintenant, l'ancien de la Postale, qui est là maintenant. Donc, une seule adresse quand on va à Saint-Louis. Une seule adresse avec des gens qui sont des Sénégalais blancs. Ça veut dire que Jean-Jacques Bancal est un Sénégalais blanc. Ça existe, ça veut dire que sa famille est arrivée. Richard Bohringer aussi, puisque. Oui, mais moi je ne suis pas arrivé en 1760. Ouais. Ah oui, non, d'accord. Ouais. Lui, son arrière-grand-père est arrivé avant la Révolution française, ainsi de suite et tout. Cet homme est un homme magnifique. C'est un aimant. Dans les deux sens du terme. Hein. Il attire et en même temps, il donne. Il donne beaucoup, beaucoup. Ça veut dire qu'il fait vivre quand même. Il doit bien faire vivre, ils sont une bonne 100 personnes. Quoi. Il fait partie des gens qui font vivre Saint-Louis, qui font vivre les Saint-Louisiens. Quoi. Cet homme, il faut absolument le rencontrer, parce qu'il vous donnera les clés de ses trésors, que personne n'a. Personne. Si vous avez l'occasion de monter sur le grand bateau blanc, je ne sais pas combien de temps vous allez rester à Saint-Louis, mais il faut le faire, parce que le grand bateau blanc descend le grand fleuve Sénégal, comme il y a 60 ans, et qu'on arrive dans un irréel, ce que l'Afrique peut donner aussi de temps en temps, l'irréel, quoi, ça veut dire la naissance du monde. Rien n'a changé depuis. À la main gauche, la Mauritanie, les rives de Mauritanie, à la main droite, évidemment, les rives du Sénégal. On va jusqu'à Podor, on va jusqu'à... Que des grands bourgs mythiques, quoi, de la coexistence, de l'existence de l'Afrique, quoi. C'est une artère, quoi, ce grand fleuve. Il est sacré. Le règne animal, des boules et existent sans l'homme. C'est vrai que les chevaux traversent le fleuve le matin pour aller, parce que de l'autre côté c'est vert, et le soir ils n'ont pas besoin de berger. Hein. Le soir ils savent qu'il faut rentrer à la maison parce qu'on est bien mieux, donc ils retraversent le fleuve. Tout ça dans une espèce d'indifférence, une fusion avec la nature, un truc. Bon. Saint-Louis c'est très très religieux, donc il faut être respectueux, il faut. Voilà, hein, je veux dire, il faut voir Jean-Jacques Bancal parce que lui seul le saura. On va le trouver facilement. Oui, la résidence. D'accord. La résidence à Saint-Louis. C'est un hôtel africain qui est dans la rue principale. Je ne connais que l'hôtel de la Poste. Oui, non, mais alors... La résidence. La résidence, bancale. Et alors, il y a des bandes-sons à faire. Il y a des bandes-sons à faire. Et vous verrez vous-même l'heure à laquelle le son peut s'inscrire, le son de l'Afrique, le son des marchés, le son de la rue, le son de la tombée du jour, du lever du jour. Il y a des trucs à faire. Il faut aller voir les oiseaux, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'oiseaux. Guenda, je ne sais pas si vous pourrez aller à Guenda. Guenda, c'est le village des grands pêcheurs. C'est-à-dire que c'est les pères nourriciers de l'Afrique. Parce que le poisson fumé pour les femmes, pour les bébés et tout ça, c'est formidable. Donc, ces hommes prennent tous les jours des risques. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils osent traverser la mer sur des bouts de bois, parce qu'ils ont déjà bravé beaucoup de tourments, beaucoup de tempêtes et tout. Ça veut dire qu'il y a une espèce d'élévation comme ça, hein, il y a une espèce de grandeur humaine, toute simple, quotidienne, dure, quotidien dur. Mais avec le sourire de l'Afrique, quoi, comme d'habitude, quoi. Ça veut dire que c'est... Alors, faire attention à tous mes cousins, mes petits cousins, mes frères et tout, Wolof, parce que... ils ont une tendance à courir après le blanc qui pour vendre des colis fichés, ainsi de suite. Et si enfin, c'est un vrai bordel. Ça, il faut garder ses nerfs et tout. Moi, je m'engueule toujours avec eux. Je leur dis, mais arrêtez, ils ne viendront plus jamais si vous continuez comme ça. Mais il n'y a rien, quoi. Il n'y a rien. Donc, voilà, c'est de la survie, tout ça. Hein. Bon, le tempérament saint-louisien est assez agréable. Ils sont très, très, très gentils. Les femmes sont très belles. Les hommes sont beaux. Ils sont intenses. Ils sont assez lumineux, comme ça. Et puis, évidemment, il y a la misère. Jean-Jacques, il fait ce qu'il veut. Mais la misère est grande. Et lui, c'est un petit homme. C'est un grand homme par le cœur, mais ses moyens, et ainsi de suite. Donc, mais lui, il est aimé jusqu'en Mauritanie. Jusqu'en Mauritanie, c'est la grande connaissance, quoi. Hein. C'est un homme formidable. C'est un aventurier, c'est un grand cœur. Voilà, c'est celui-là qu'il faut voir en arrivant, demander Muriel ou lui. Muriel, c'est son épouse, c'est une femme formidable. Je dis formidable, formidable, parce que j'ai envie que... D'ailleurs, vous aurez certainement peut-être du son à faire avec lui, parce qu'il dit des choses, lui, alors fondamentales, hein, sur l'existence, sur les inquiétudes qu'ils ont en ce moment. Parce qu'il faut en parler. Parce qu'ils sont au fait du problème. Il y a une frontière avec la Mauritanie, et il y a une frontière avec le Mali. Et il y a une ville sainte, et ainsi de suite. Et la misère galope, elle galope. Et les hordes d'enfants, et les hordes de jeunes gens, sans boulot, sans rien du tout. Alors évidemment, c'est très fort, c'est très puissant, comme ça. Quand l'image, quoi, comme ça. Il faut savoir que l'Afrique, elle est palpitante, elle est immense, c'est un réservoir de pensée, d'universalité incroyable. Il ne faut pas que l'Afrique disparaisse, parce que nous, on finirait bien par disparaître aussi. Enfin, quand on pense que la transfusion, elle se fait plutôt du blanc au noir, j'entends économiquement, ainsi de suite, machin et tout. Mais il y en a une bien plus souterraine, et ainsi de suite, qui se fait du noir au blanc. Voilà, ben, bonne route, bon voyage, parce que c'est un beau voyage. Fuck kulay wax deug job bugul la deg ni man ku nek ak fa la bour bi yalla fetlé. Richard Boringer, en plus de Jean-Jacques Bancal, nous a permis d'autres belles rencontres à Saint-Louis. Nous sommes installés avec Jean-Jacques Bancal sur le bord du fleuve Sénégal, tout près du célèbre pont Fédère. Jean-Jacques Bancal, très honnêtement, avant d'avoir rencontré Richard Boringer, je ne vous connaissais pas. Et quand j'ai demandé à Richard Boringer... Alors je lui ai expliqué, nous partons à Saint-Louis, etc. Richard, est-ce que tu sais qui pourrait-on rencontrer à Saint-Louis ? Il m'a dit, il y a une seule personne à rencontrer à Saint-Louis, c'est Jean-Jacques Bancal. Alors avec Richard Boringer, c'est une relation qui dure maintenant depuis plusieurs décennies. Hein. Oui, enfin, Richard, c'est surtout c'est une personne que je respecte et j'ai eu la chance d'avoir son fils pendant 6 mois ici, qui s'occupait d'enfants de la rue, qui avait monté une bibliothèque pour les talibés et tout ça. Et j'ai eu la chance de rencontrer Roman, qui est venu dire bonjour un jour de la part de son père. Et j'ai trouvé que les deux enfants étaient merveilleux parce qu'ils étaient simples, modestes. Ils ne jouaient pas aux fils d'acteurs, ils sont acteurs maintenant, en tout cas pour Roman. Ils étaient des gens qui étaient sensibles et d'une gentillesse incroyable. Et déjà, donc à travers ces enfants, j'ai découvert Richard, que j'avais vu dans le cadre d'un film qu'il avait tourné à Saint-Louis qui s'appelait Les Caprices d'un fleuve. Et on s'était un tout petit peu connus. J'étais le cantinier, je faisais un peu l'homme à tout faire. Le catering, comme on dit quand on parle français aujourd'hui. Voilà, mais j'étais le marmiton. On n'était pas des vrais professionnels, mais on s'était beaucoup battus. On arrivait les premiers, on partait les derniers. Et donc j'ai eu l'occasion de voir un peu Richard. Et ensuite, il est revenu à Saint-Louis. Il a apprécié la ville. Et puis il a toujours eu de l'affection pour moi. Quelque part, il a écrit quand même quelque chose qui m'a touché parce qu'il le fait de façon totalement désintéressée, simplement par amitié. Il a un mauvais caractère, ça on le sait. Mais par contre, il a écrit... Il a mauvais caractère, mais bon cœur. Mais bon cœur. Et voilà, c'est pour ça que moi, je l'aime. Et il dit, j'espère que Jean-Jacques m'aime autant que je l'aime. Et c'est l'occasion de le dire. Oui, je l'aime, même s'il a mauvais caractère. C'était lors du tournage des Caprices d'un fleuve, à la résidence, il y a l'affiche 120-160 des Caprices d'un fleuve, ce film réalisé par Bernard Giraudot. Je ne sais pas si on parle d'abord de Giraudot ou du fleuve, peut-être de Bernard Giraudot, vous l'avez croisé aussi au moment du tournage. C'était une relation très forte aussi et très proche entre Boringer et Giraudot. Bon, d'abord, je crois qu'ils étaient de vrais amis. Je crois que dans le cadre de ce film, Richard était venu un peu avec, je ne sais pas s'il avait été payé ou s'il avait fait par amitié. Mais en tout cas, moi j'ai découvert Giraudot pendant tous les repérages, on a été voir tous les lieux sur lesquels le film a été tourné. Et le souvenir que je peux dire de Giraudot, c'est qu'avec moi, il a été vraiment aussi adorable, vraiment. Et c'était un vrai professionnel, c'est-à-dire que quand il travaillait, il travaillait. Il était marin, il était à l'heure, il était... J'ai découvert qu'il écrivait après, pourtant il avait écrit le scénario, en tout cas des Caprices, mais j'ai découvert ses talents d'écrivain. Mais c'était vraiment quelqu'un de très rigoureux dans sa vie, qui était précis, qui était à l'heure, mais à la minute près. Le premier jour qu'il est venu pour les repérages, on s'était donné rendez-vous à 7h. À 7h01, j'étais dans la rue, il démarrait avec la voiture sans moi. C'était notre premier contact de travail. Donc j'ai compris et j'étais tout le temps avant lui sur le tournage. Voilà, même en Afrique, à l'heure. Oui, mais je crois qu'en Afrique, on peut être à l'heure. On a une réputation de gens pas à l'heure, mais on peut être à l'heure aussi. On parle de l'heure africaine. Donc, c'est-à-dire qu'en Afrique, on relativise la gravité d'être en retard, mais on essaye d'être à l'heure. Bon, je pense qu'on parlera encore de Richard Boringer, mais pour ce qui concerne le cinéma tout court et les films, bouclons le sujet peut-être en évoquant un autre tournage et un film qui avait connu un vrai beau succès lors de sa sortie dans les années 80, c'est « Ce coup de torchon ». Ce coup de torchon avec plein d'acteurs connus, avec Philippe Noiret, avec Isabelle Huppert. Il y avait Galabru aussi dans le coup de torchon. Il y avait Marchand. Il y avait Hernandez qui est mort. Il y avait beaucoup d'actrices, avec Stéphane Audran d'ailleurs. C'est vrai. Le dernier jour du tournage, moi j'étais étudiant, j'avais 22 ans ou 24 ans. Et la décoratrice était là, elle me remerciait parce que j'avais prêté des objets, même si je n'étais pas souvent là. je vois Stéphane Audran, il me fait la bise. Et j'étais tellement ému que je me suis retourné, je suis rentré dans un pot de fleurs, après je me suis pas retourné, j'ai quitté l'hôtel de la Poste où il séjournait. Grand souvenir quand même, oui, avec le pot de fleurs, la bise à la Stéphane, bise de Stéphane Audran. Ouais. Ouais, et Tavernier aussi alors, que alors, vous Tavernier, avez regardé travailler. Il regardait ses pieds, mais chez Tavernier quand il marche, il ne regarde pas devant, il regarde ses pieds, mais il est très gentil, quelqu'un aussi qui... Enfin, c'est un grand cinéaste. Je pense qu'il a fait un beau film sur l'Afrique à travers ce film et on peut que le remercier. Et moi, ce film m'a ému. En plus, j'ai découvert ma femme dans le film, à la fin, comme figurante. Elle danse à la fin du film. Ouais. J'avais découvert avant, mais... Mais vous étiez déjà marié? Non, mais on vivait déjà ensemble, dans le péché. Donc elle était figurante. Hein. Elle a été figurante un tout petit peu, un tiers de seconde, mais voilà, elle a laissé une petite trace dans ce film. Merci, monsieur Tavernier. Suivez le guide à Saint-Louis du Sénégal avec Jean-Jacques Bancal, le patron de l'hôtel La Résidence, ami de Richard Bohringer qui nous a dirigé vers lui. Nous sommes toujours avec Jean-Jacques Bancal sur le bord du fleuve Sénégal. Nous avons évoqué les caprices, on n'a pas encore parlé du fleuve. Il est juste derrière vous, Jean-Jacques, le fleuve. Là, vous êtes installé dans un fauteuil. Pour ceux qui connaissent l'émission, c'est un côté complément d'enquête, mais 50%, parce que vous, avez le fauteuil et pas moi, nous, on a le banc. Mais complément... J'avais pas voulu le fauteuil. C'est vrai. Mais c'est complément d'enquête en Afrique et à Saint-Louis. Et en plus, ce fauteuil, c'est vous qui l'avez conçu. En fait, c'est un vieux fauteuil qu'on a bricolé avec le ferronnier qui est derrière vous, qui m'a dit, écoute, laisse-moi faire, je vais te faire un truc en tôle. Et il a fait en tôle. Donc il y a vous, en dessous de vous et derrière vous, il y a le dossier du fauteuil. Et quelques mètres au-delà, bah, il y a le fleuve Sénégal. Et on aperçoit juste derrière le pont, l'un des ponts sans doute les plus photographiés au monde. Hein. Le pont Féderbe. Le pont Féderbe de Saint-Louis. Alors conçu par Gustave Eiffel? Alors non. Non. Il a été conçu, au départ les guides disaient qu'il était conçu par Eiffel. C'était pas vrai. Il était conçu par Kessler. Finalement, c'est Eiffel qui l'a refait, donc le nouveau pont est conçu par Eiffel, donc c'est vrai, mais ce n'était pas vrai dans l'histoire. Le fleuve représente quoi ici à Saint-Louis? Alors le fleuve Sénégal. Hein. D'abord, Saint-Louis, c'est une ville d'eau, entourée par la mer, entourée par le fleuve, et je pense que le fleuve a une importance capitale, qui a eu une importance économique à l'époque, il s'est malheureusement arrêté aujourd'hui, mais le fleuve fait partie de la vie de tous les Saint-Louisiens. Et je pense que quand on voit le fleuve, on est apaisé. Et on aime passer un peu de temps simplement à le regarder, même si des fois, à la plage d'un poisson, on peut voir un sac plastique, mais on voit aussi des fois des hippopotames. C'est rare, on en a vu ici à côté du pont. Donc il y a un fleuve qui est vivant, qui un coup est doux, l'eau est marron, un coup il est salé par la mer, et donc là, on est dans une période salée. Et donc le fleuve est plutôt bleu, enfin, même si le barrage, il semble qu'il ait lâché un peu d'eau. Donc il y a un fleuve qui change tout le temps de couleur, il peut être très calme, très paisible, les bougies du pont, les lumières du pont deviennent des bougies qui éclaire le fleuve jusqu'au quai. C'est magnifique le soir, quand il n'y a pas de vent. Les soirs de pleine lune ou de lune rousse, c'est magnifique aussi. Donc c'est quand même un lieu un peu magique, avec une déesse qui s'appelle Mamkoumabang, qui fait peur à beaucoup de Saint-Louisiens. Donc il y a des offrandes qu'on fait au fleuve avec du lait caillé ou avec d'autres choses pour calmer la déesse du fleuve quand on part en pirogue. Il y a un mélange des eaux entre l'eau de mer salée, l'eau du fleuve qui est de l'eau douce. Oui, puis bon, je pense que le fleuve, c'est quand même... l'avenir aussi de Saint-Louis et de sa région, c'est-à-dire qu'il y a des milliers d'hectares qui ont été mis en valeur depuis qu'on a fait le barrage qui est à 30 km, qui régule un peu notre fleuve maintenant, qui est un peu moins sauvage, même s'il a quand même réussi à enlever mon camman. J'avais un camman sur la langue de Barbarie et mon camman est parti dans la mer grâce au fleuve et donc à la mer. Il est réellement capricieux. Il est capricieux. Si on remonte le fleuve, c'est ce qu'on peut faire d'ailleurs en embarquant à bord d'un bateau, hein, le bateau blanc, Richard Bohringer a dit, il faut absolument voir le je sais pas s'il a dit le grand en tout cas, ou le beau, comme le chantait Bécaud, mais le bateau blanc c'est certain. Moi je dis la vieille dame. La vieille dame. C'est un bateau qui a 62 ans, 63, et qui a été construit pour le fleuve Sénégal. Donc un bateau qui a été fait pour ce fleuve, il est vraiment adapté, il peut beacher partout. Il est gros, c'est un gros bateau très haut, donc on voit très loin. Tous les gens, d'abord c'est pas mon bateau, c'est le bateau des gens du fleuve. Parce que beaucoup l'ont pris petit pour aller à l'école, et tous disent c'est notre bateau. Et quand on arrive quelque part, c'est pas le bateau d'un tel, c'est le bateau des gens du fleuve. Et c'est encore un monument, c'est une mémoire du fleuve. Et je crois qu'il est apprécié, il y a des chansons au nom de ce bateau, il y a des histoires, il y a des familles, Bouel Mogdad à Saint-Louis. Et donc tout ça fait que ce bateau continue à se faire respecter quand il passe et à être aimé. Mmh. Et je crois que c'est ça qui... Et vous verrez, il y a une atmosphère. C'est un vieux bateau, mais qui rend les gens heureux. Il a été acteur, il a fait du cinéma, le bateau blanc. Il en a sans doute fait à une autre époque, parce que moi je l'ai que depuis quelques années. Ouais. Mmh. Mais il en a fait un petit peu. Il y a eu des scénarios qui ont été écrits pour lui, qui ont été tournés sur d'autres bateaux. Donc il y a un bateau qui fait rêver beaucoup de monde. Il y a eu des maquettes faites par le championnat du monde de maquettes. Il y a des livres dans lesquels on parle du bateau. Donc petit à petit, ce bateau, il a une longue histoire, une longue légende, mais en même temps, il continue à vivre. Et il organise beaucoup de choses, il permet d'organiser beaucoup de choses. On organise des rencontres littéraires où on amène des écrivains sur le fleuve pour aller dans les écoles. Donc il continue à garder un côté proche des populations. Et puis je pourrais raconter beaucoup de choses, mais je n'ai pas envie de tout dire. Tu l'auras, ton bateau blanc. C'est le bateau de ce qui reste des enfants. Le bateau de tes 15 ans te sauvera de ce monde arrangé pour les grands. Tu l'auras, ton bateau blanc. Mais pour l'avoir, tu auras mis le temps. Quand on dit Saint-Louis, quand on cite le nom de Saint-Louis, qu'ajoute-t-on les premiers mots qu'on dit juste après? Alors Saint-Louis, l'aventure de l'aéropostale, Saint-Louis, la ville coloniale du Sénégal. Ouais, avant je disais Saint-Louis, ville endormie, je disais Saint-Louis, la belle endormie, mais aujourd'hui ce n'est plus vrai, c'est une ville qui revit, et je pense que c'est une ville d'avenir au Sénégal, par son côté un peu particulier, par son côté inamovible. L'avantage de Saint-Louis, c'est qu'on va l'améliorer, on va la réparer un petit peu, on est en train de la réparer un petit peu. Il y a beaucoup de volonté, en tout cas à ce niveau-là, mais que vous pouvez revenir dans 10 ans, vous reconnaîtrez Saint-Louis de la même façon qu'aujourd'hui, ce sera le même Saint-Louis. Et donc c'est ce côté à la fois vivant, qui va dans l'avenir, mais qui ne change pas tellement de forme, ce qui fait qu'on s'y sent bien tout de suite. Donc Saint-Louis, c'était l'aventure de l'aéropostale? Oui. Enfin, ça c'est pour le 20e siècle. Si on remonte avant, c'est effectivement, oui, c'est quand même, c'est une ville qui a des siècles d'histoire. Mais je pense que l'aéropostale, c'est une histoire importante de Saint-Louis. Le barman de la résidence a créé la première compagnie Air Mauritanie, par exemple. Donc il y avait une histoire liée à l'aviation. Le père de Yannick Philippe de La Poste est mort en avion. Et donc il y a toujours un lien avec l'aviation. Donc de La Poste, c'est de l'hôtel de La Poste. De l'hôtel de La Poste, c'est ce que je veux dire. Et qui est un hôtel qui est relié à l'aéropostale. L'aéropostale, bon, c'est un grand moment de Saint-Louis, c'est une belle histoire, puisque quand on sait comment elle est née, c'est un bouquet de fleurs qui a été envoyé de Toulouse par avion à Madame Lyautey, qui était la femme du général. L'aviation, le courrier militaire a démarré comme ça. Et je crois que des fois, voilà, une fleur et une longue épopée, la devise de la TECOR, c'était « J'ai refait tous ces calculs, ce projet est irréalisable ». Il ne nous reste plus qu'une chose à faire, c'est de le réaliser. Donc voilà, c'est tout ça l'histoire de l'aéropostale. C'est une belle épopée, un vrai rêve de fou, mais qui a abouti à ce qu'on voit maintenant au niveau du transport aérien. Alors, et Saint-Louis, ville combien de fois centenaire d'ailleurs? Alors Saint-Louis, on peut dire qu'elle a été créée au 17e, donc en 1600 à peu près, enfin 1620 ou 1610. Et donc c'est une ville, d'abord c'est la plus vieille ville, alors je ne sais pas bien ce que je vais dire, c'est la plus vieille ville française d'Afrique. C'est le premier grand comptoir installé par les Français en Afrique, même si c'était une ville, un village africain à l'époque. Et Saint-Louis, c'est une ville sénégalaise et qui a toujours été sénégalaise, habitée par des Sénégalais. Il n'y a que même à l'époque coloniale, les administrateurs étaient Sénégalais et étaient Français. Donc, mais il ne faut pas croire que la ville a changé au niveau de l'administration. Il y a eu des changements, évidemment. Mais c'est une ville qui a toujours été une ville importante, puisque capitale de toute Afrique de l'Ouest. Et même quand on a transféré la capitale à Dakar, Saint-Louis restait capitale du Sénégal et de la Mauritanie. Et le gouvernement de la Mauritanie était sur la langue barbarie. Alors la Mauritanie est toute proche, vraiment toute proche d'ici. Hein. Alors la Mauritanie, on la voit, hein, derrière les îles, c'est la Mauritanie. Le bout de terre qu'on voit là-bas au fond, c'est la Mauritanie. Et quand on quitte Saint-Louis par la plage, à 2 km, on est en Mauritanie. Voilà, et puis le fleuve Sénégal fait frontière... C'est la frontière avec la Mauritanie. Normalement, la frontière aurait dû être à 70 km de Saint-Louis. Ça devait être la limite des terres inondables. Mais Senghor a dit que ce serait un conflit permanent parce qu'en fonction des crues, les frontières allaient changer. Donc on prendrait le fleuve comme frontière et que les îles resteraient sénégalaises. Voilà le deal entre Senghor et Oudada à l'époque. Je voudrais du Fred Astaire, revoir un latte coer. Je voudrais toujours te plaire dans mon jardin d'hiver. Alors il y a un patrimoine historique conséquent ici à Saint-Louis, de ces maisons de l'époque coloniale, ces maisons coloniales classées au patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors le patrimoine de Saint-Louis, c'est une partie de son histoire. Et c'est vrai qu'il est classé au patrimoine UNESCO et qu'il y a des gros projets de réhabilitation prévus dans les 2 ans à venir, même si depuis quelques années, il y a vraiment des projets de réhabilitation et de belles maisons. Donc je pense que la ville est en train d'évoluer, elle est un petit peu en train de devenir chère, malheureusement. Et donc le combat qu'on a mené avec d'autres amis, c'est de réussir à restaurer les maisons des gens qui étaient pauvres ou qui avaient trop de problèmes de succession pour pouvoir les régler eux-mêmes. Et quand il y a 40 héritiers, celui qui habite dedans ne peut pas faire les travaux pour les 39 autres, et les autres qui habitent pas dedans, individuellement, ne veulent pas faire les travaux pour celui qui habite dedans. Et donc, des amis à moi ont pris en charge la restauration de 16 maisons, quand même à Saint-Louis, qui ont été restaurées, et ce n'est qu'un début, pour que les gens gardent une belle maison saint-louisienne avec l'âme des Saint-Louisiens dedans. Pas en la vendant, pas en essayant justement de la garder en état. L'enveloppe n'est pas tout. Je veux dire, la maison, les murs ne sont pas tout. Non, c'est ça que je voulais dire, c'est que Saint-Louis, sans les habitants de Saint-Louis, sans les Saint-Louisiens, ce n'est pas Saint-Louis. Et je crois que ce qui fait Saint-Louis, c'est plus pour moi les gens, et ce qui fait le Sénégal d'ailleurs. La qualité du Sénégal, c'est pas... Bon, il y a il y a la démocratie quand même. C'est vrai qu'on a le droit de dire du mal de l'État, on a le droit de s'exprimer. Mais c'est vraiment la gentillesse des gens et la qualité des gens et le regard des gens. J'ai été dans beaucoup de pays que je ne citerai pas où le regard n'est pas forcément gentil envers l'étranger, alors qu'au Sénégal, il y a un regard gentil et pudique. Quand un homme regarde une femme, il ne commence pas par regarder ses fesses, pour être direct. Ouais. Non, c'est très important. Moi, je suis surpris par la pudeur des gens et par la gentillesse. Et alors, il y a des vendeurs qui sont un peu collants des fois. Ah, ça, il en parle, Bourringer. On l'aura écouté, on l'a écouté, ouais. On va le réécouter en parler, Richard Bourringer, des vendeurs. Et il leur dit parfois, mais vous allez dissuader les touristes de venir. Oui, mais moi, je leur dis aussi, le problème, c'est que c'est une façon de faire. Et en même temps, quand on les connaît, qu'on est un peu patient, finalement, c'est des gens charmants aussi. Il faut voir que c'est une mentalité différente. Les gens sont différents. On est dans un autre pays. Et les mœurs ne sont pas les mêmes. Et il faut. Moi, je crois que le respect des autres fait qu'on est bien partout. Mais en tout cas, à Dakar, les vendeurs ambulants, effectivement, sont là, sont très présents. Quand l'un est parti, l'autre arrive. Mais c'est jamais agressif, enfin, il me semble pas. Enfin, voilà, ça se passe pas mal. Et puis vraiment, il y a aussi un côté au Sénégal qui est plutôt bien. Il y a très peu de gens rancuniers. Même quand on se dispute, ça dure pas. Alors ça peut monter en ton. Et puis, 5 minutes après, on est les meilleurs amis du monde. Ça, c'est important aussi. Vous irez dans mon village qui est à quelques kilomètres de Saint-Louis, qui s'appelle Bango. Bango, c'est là où il y a l'armée sénégalaise. Mais elle est enfouie, on la voit pas. Et c'est on pourra demander la maison de Richard Bourringer. Ben, vous pourrez demander, vous irez voir un homme qui sculpte dans la jungle. Vous demanderez à Jean-Jacques qui vous emmène. J'ai un ami là-bas, un Belge, qui sculpte dans la jungle. Et il laisse ses objets dans la jungle. Donc il est installé à Bango, il a sa case, il a tout ça et tout, donc vous irez le voir, vous verrez comment il vit. Beau et grand voyage au Sénégal, petit voyage en revanche, de Saint-Louis jusqu'à Bango, le village dans lequel séjourne Richard Bourringer lorsqu'il n'est pas à l'hôtel La Résidence, chez ses amis Muriel et Jean-Jacques Bancal à Saint-Louis. Nous allons rencontrer à présent celui qui sculpte dans la jungle, Gatien, l'ami belge de Richard. Un court trajet en taxi, 8 km, et dès notre arrivée, un premier coup de cœur pour la résidence de l'artiste, composée de plusieurs petites maisons avec terrasses donnant sur le fleuve Sénégal. C'est magique et paisible. En Belgique, il y a les frères Dardenne. On connaît bien les frères Dardenne, mais il y a aussi Dardenne père et fils, Milo et Gatien. Milo, le papa, est peintre. Gatien, le fils, est sculpteur. Et Gatien, on se retrouve ici sur les bords du fleuve Sénégal, ici à Saint-Louis, à quelques kilomètres de Saint-Louis. Nous sommes à Bango, dans cette maison qui est ta maison. Enfin, c'est pas une maison, c'est un groupe de maisons. Oui, c'est ça. On peut dire ça comme ça. C'est un lotissement, non, c'est pas un lotissement. Non, c'est une maison avec plusieurs petites âmes, on va dire. Ouais. Donc des maisons qui forment ta maison. Exactement. Comment présenterais-tu cet ensemble ? Je dirais que c'est une maison de rêve, hein. Une maison où on peut rêver sans souci. Ouais. Parce que les rêves, ils peuvent ricocher sur l'eau, et puis ils peuvent aller loin, loin, loin. C'est une maison avec plein de petites âmes qui s'est fait petit à petit, tout simplement. Vraiment au fur et à mesure du temps, au fil du temps. Au début, la douche était là. C'était la plus belle salle de bain du monde, la douche, c'était le fleuve. Le fleuve. Et puis petit à petit, la douche était dans un arbre, et puis après la douche était dans une autre maison. Puis un jour la télé est arrivée, et puis l'électricité, etc. Ouais. Mais vraiment petit à petit, ce qui fait que peut-être chaque année ou à chaque moment, on découvre une nouvelle maison, et notre maison nous fait plaisir. C'est ça qui est important. Et là, nous sommes sur la terrasse. Il y a une table. Très bien. C'est toi qui l'as conçue ? Oui, bien sûr. Ouais, tu es sculpteur. Donc, c'est la table que tu as conçue. Derrière, il y a le hamac. C'est toi qui as conçu les. Pour porter. Non, c'est ça ? Mais oui, tout ce qui est en métal. Bien sûr. Ouais. Et le hamac, tu l'utilises souvent ? Et oui, je l'utilise très, très souvent. Je me mets dedans et je me laisse verser par le vent. C'est assez magnifique. Et puis le fleuve, juste à côté. Et mon chien, et mon compagnon, chien. Guido, ouais. Qui est toujours là. Guido. Tu pêches dans le fleuve ? Alors ici, non. Je ne suis pas vraiment un pêcheur, je l'étais, mais j'ai décidé de protéger cet endroit, ce qui explique l'abondance de poissons. Ils se sentent vraiment en sécurité, puisque je prends mon petit déjeuner ici, que les miettes de pain ou le reste de cornflakes va dans l'eau, ou les croquettes des chiens vont dans l'eau. Ouais. Donc les poissons connaissent l'heure du petit-déj. Oui, il y a vraiment des centaines de poissons qui sont ici autour. Et d'ailleurs, je ne me baigne plus à cause de cela aussi, parce qu'ils viennent me picoter les jambes et je n'aime pas ça. Ils se disent, tiens, le petit-déj est dans l'eau. Oui, c'est ça, exactement. C'est extraordinaire, enfin, cette vision, cette perspective depuis la terrasse. C'est vraiment c'est un paysage qui permet de rêver, mais tel qu'un paysage qui fait rêver toutes celles et ceux qui le voient ou qui viennent ici. Oui, très souvent. Moi, je me suis un peu habitué au paysage, mais il me séduit encore beaucoup. Un paysage qui m'a séduit quand je suis arrivé ici il y a 13 ans, en camion. C'était bien sûr la savane, la brousse. Ça s'appelait la forêt de Bango. Puisque nous sommes à Bango. Exactement. Un quart d'heure de Saint-Louis. Hein. Oui. Et puis, j'ai vu ce paysage et je me suis dit, c'est ici. C'est ici que je vais me poser le temps d'un temps. Bon, ça fait 13 ans, c'est un long temps. Et c'est un paysage qui me rappelait beaucoup l'Afrique du Sud. Hein. Et l'Afrique de l'Est. Que tu connais bien ? Que je connais, oui, ayant travaillé là-bas. Voilà, c'est un paysage qui m'a captivé. Quelque part, ici, on est plutôt dans une région sahélienne. Et moi, j'ai choisi le petit coin de verdure, la petite forêt, puisque en Belgique, j'ai grandi aussi dans la forêt et j'habite au milieu de la forêt. Donc, ce sont un petit peu mes repères. Hein. Je dis toujours que l'écorce des arbres veille sur moi. Alors, si nous sommes arrivés jusqu'à toi, Gatien, ben, c'est en fait, pour cette série d'enregistrements à Saint-Louis, nous... Laissons faire Richard Bourringer, c'est lui qui a écrit notre feuille de route, tracé notre feuille de route, et nous venons rencontrer les amis de Richard Bourringer, dont tu fais partie. Oui. Que tu as connu comment, Richard ? Que tu as connu ici ? Que j'ai connu ici, que j'ai connu en ville, à Saint-Louis, et puis la vie a fait que nous nous sommes retrouvés pas mal de fois, et nous avons partagé pas mal de choses que nous ne partageons plus aujourd'hui, tout simplement. Que tu as connu à la résidence ? Oui. Qui est un point... de rencontre incontournable. Non, je ne l'ai pas rencontré à la résidence, je l'ai rencontré dans un bistrot. Dans un bistrot. Moi, je rentrais, il devait être dans ce bistrot, il devait être 4-5 heures du matin. Lui, on sortait dans le même état que moi. Ouais. On s'est croisés, on s'est échangé quelques mots et on s'est revus un peu après. Et on a passé pas mal de temps à Saint-Louis, chez moi ici, à l'atelier, et puis beaucoup de temps à Paris aussi. L'atelier est tout près d'ici ? L'atelier est tout près, l'atelier oui. Du sculpteur est tout près d'ici ? Oui. L'atelier était un centre de formation aussi. Donc, à la base, tout au début, c'était... Disons, l'idée était de former des gens et de faire des sculptures, de métisser, en tout cas, des cultures à travers des sculptures. Bon, ça, c'est jamais que le projet et les jolis mots, mais les réaliser, c'est autre chose. Donc, le centre de formation a existé et existe toujours, mmh. et est devenu donc l'atelier du sculpteur, ouais. Qui a changé de place. Je suis arrivé, il était là-bas, je suis resté 5 ans à l'endroit où il se trouve, puis je l'ai emmené ici, puis ensuite autre part, et j'ai bouclé la boucle, puisque je suis à nouveau au point de départ, donc au même endroit, mais installé un petit peu plus confortablement, on va dire. À Dakar, nous avons rencontré un peintre, Solly Cissé. L'atelier du peintre est un atelier à ciel ouvert. C'est moins courant quand même en France, moins courant sans doute dans l'est de la France et en Belgique pour un peintre à ciel ouvert. Ton atelier ici était un atelier également à ciel ouvert. Mon atelier actuel est un atelier à ciel ouvert, oui. Ouais. Qu'on va visiter juste ouais. après. Travailler à la lumière du jour, sans rien, sans plafond, sans toit. Mais disons qu'il y a des petites choses qui peuvent paraître même anodines. C'est se lever le matin, mettre un short, partir travailler sans t-shirt ou juste avec un t-shirt qu'on enlève tout de suite, passer la journée donc à moitié nu, travailler dans cette liberté, ne pas avoir de frissons, ne pas avoir froid, être juste bien. Je crois que ça change beaucoup de choses et ça ouvre l'esprit, voir un ciel bleu, voir des gens qui sourient, des gens qui ont envie de travailler, qui donnent le maximum d'eux-mêmes, hein. Ça donne la patate. Et puis on est obligé d'être là, pas question de dire je ne serai pas là, il faut être là. Et dans la relation à la matière aussi ? Le soleil qui tape sur le fer, enfin c'est lui de... Non. Ça, d'un côté on va dire que quelque part c'est un petit peu embêtant. Bon, bien sûr on se protège du soleil avec... on a de l'ombre dans l'atelier, mais l'atelier est ouvert pour le vent, c'est une première chose. L'atelier est ouvert aussi pour le bruit. Tu as vu quand je suis arrivé, j'ai mon casque sur les oreilles avec ma musique, moi je n'entends rien de ce qui se passe à l'atelier. Je suis devenu allergique au bruit. Et puis justement, pour pouvoir rêver, pour pouvoir avoir les yeux qui se baladent à gauche, à droite et ne pas se retrouver face à un mur. C'est pour ça qu'ici, il n'y a pas de mur. Moi, je déteste les murs. Je déteste les angles et les murs. J'ai besoin que ce soit libre devant moi. Donc autour de toi, le fleuve, autour de toi, les arbres, la nature, voilà. les cris des oiseaux, ce qui fait que tu les connais, tu les reconnais. Hein. Oui, tout à fait. Oui. J'ai mes amis, j'ai mes hippopotames aussi ici. Ah, il y en a ici ? Oui, ouais. il y a deux hippopotames. Un que j'ai appelé Mathilde, c'est la femelle, et puis l'autre est arrivé un petit peu après, et ils ont pris l'habitude de venir jouer avec mes chiens, mes deux chiens qui habitaient ici avec moi auparavant, Zawa et Lala, aller nager dans l'eau avec les hippopotames, et comme disait Richard, ils dansaient le cha-cha-cha. Ah oui, quand tu vois Mathilde, tu dis, bien sûr, Mathilde est revenue. Exactement, je lui ai déjà chanté ses chansons 1000 fois, tout à fait. Et alors les oiseaux, tu peux voir passer au-dessus de toi J'ai ici un couple d'aigles pêcheurs qui habitent ici depuis que je suis là. Bon, j'imagine qu'ils ne sont peut-être pas les mêmes, c'est peut-être leurs enfants. Je ne sais pas combien d'années ça vit, mais en tout cas, j'aime parce que ce sont les oiseaux, quasiment les seuls oiseaux qui restent ensemble toute leur vie. Ils ne vont pas voir à gauche ni à droite. Et je trouve ça pas mal au niveau de la symbolique. Ouais. Alors eux, ils me réveillent chaque matin. Ils ont un cri très très ardent, très très fort. Et même si tu rentres à 5h du matin bien chargé, à 6h moins quart... Tu es réveillé. Le réveil est là. Ouais. Le réveil est là. Ouais. Mais c'est un magnifique réveil. Ouais. Et puis voilà, oui, c'est un havre de paix. Alors ici, c'est plutôt avec les chiens, c'est plutôt une... Alors Saint-Louis n'est vraiment pas loin, hein, quand tu veux voir du monde. Mais sinon, c'est plutôt une vie solitaire pour toi ici, Gatien ? Oui, c'est plutôt une vie solitaire. Je pense que j'en ai eu besoin à un moment donné, en tout cas. C'est quelque chose que j'ai choisi. Et maintenant, je choisis un petit peu l'opposé, parce que la vie évolue et parce qu'on a besoin d'autres choses aussi. Mais j'aime le calme. Le calme fait partie de ma vie. J'aime beaucoup. On apprend beaucoup de choses. Ouais. Là, tu penses repartir, non pas en Belgique, mais tu vis entre la Belgique et le Sénégal. Je vis plus au Sénégal. Plus au Sénégal. Généralement, je suis ici juste de janvier au mois de septembre. Et puis, je suis en Belgique de septembre au mois de janvier, pour l'hiver. Mmh. Je vais chercher un peu de froid, un peu de neige, un peu de jolies couleurs, un peu de saison, parce que les saisons, c'est important. Et puis, quand j'ai le blues ou lorsque je suis fatigué, eh bien, j'ai la possibilité. Enfin, voilà, je prends l'avion, je rentre parce que je peux me le permettre et que je n'hésite pas. Même si c'est que pour une semaine, ou 10 jours, ou un week-end, je le fais. Suite de ce 11e Suivez le Guide au Sénégal, et encore à Saint-Louis, ou plutôt tout près de Saint-Louis, à Bango, où Gatien Dardenne, ami de Richard Bohringer, sculpteur, nous accueille dans sa jolie maison sur les bords du fleuve. Tu es, Gatien, le forgeron du monde. Non, c'est pas moi qui ai dit ça. Donc là, j'ai sous les yeux un ouvrage, hein, Le peintre et le forgeron, les Dardenne père et fils. Donc le peintre, bah, c'est ton papa. Un chapitre commence donc ainsi, le forgeron du monde. Tu as d'abord été le forgeron ? Oui, disons que le projet à la base était un projet... je crois que c'était le titre du projet, je regarde sur le camion, parce que ça c'est le dessus du camion, je crois qu'il y avait... Alors il y a effectivement... Il n'y avait pas un truc forgeron WW, non ? Ah oui, mais... Il y a un camion. Ah oui, on voit DE, donc ça devait dire monde.com. C'était forgeron du monde, et donc c'est le camion avec lequel tu es arrivé ? Oui, 22 tonnes. Ouais. Un camion, une remorque, un atelier, deux chiens, une vie. En roulant depuis la Belgique, oui. En traversant la Mauritanie. Oui, c'était très sympa. En travaillant au Maroc, en Mauritanie, je n'ai pas travaillé. Puis voilà, je suis arrivé ici. Je devais descendre logiquement jusqu'en Afrique du Sud. Eh bien, je suis là. Mais j'ai voyagé avec ce camion, j'ai continué à bosser en Afrique de l'Est et en Afrique du Sud au début. Donc tu t'es installé dans des villages, dans des villes ? Je traversais, je m'arrêtais là où je voulais, et simplement. Mais par et tu sculptais ? Non. Et tu forgeais alors ? Non plus. Non. Et tu t'arrêtais ? Je m'arrêtais, simplement. J'ai sculpté un petit peu au Maroc. Hein, mais bon, voilà, on ne peut pas s'arrêter juste pour une semaine. Une sculpture... Guido, chut. Une sculpture prend... Mon chien est très intéressé par le micro. Oui, par le Guido micro, veut par dire quelque chose, je allez, pense. Guido, par la bonnette du micro. Disons que le projet qui était justement de pouvoir faire des sculptures avec d'autres personnes, il faut du temps. La sculpture sur métal prend énormément de temps. Puis bon, c'est un peu audacieux et un peu osé d'arriver, de sortir son matos et dire « moi je vais sculpter ». C'est pas comme ça que ça va, ça marche pas comme ça. Quand à l'arrivée ici, mais il y a eu un voyage qui a duré combien de temps alors, pour oh, quelques mois. Quelques mois. Voilà, quelques mois, j'ai pris mon temps. Et puis bon, voilà, je me suis posé ici, j'ai eu l'occasion d'avoir un premier boulot qui a fait que je suis resté. 13 ans après, je suis toujours là. Donc le camion, après, n'est plus reparti ? Le camion est parti, mais différemment. Je l'ai transformé pour transporter des touristes pour l'Afrique du Sud. Hein. Ah oui ? Et là maintenant, il est dans un champ de bananes en Mauritanie. Et il roule ? Très bien. Nous étions partis, Gatien, sur ce mot de forgeron. Mon premier contact avec le métal était ce contact de Maréchal Ferrand, l'orthopédiste pour chevaux. C'était pas vraiment Maréchal Ferrand, c'était orthopédiste pour chevaux, donc faire des ferrures un peu particulières pour des chevaux. Donc contact du feu, du métal, puisque tout se faisait à la forge. Très vite, parallèlement, je me suis inscrit à l'école de ferronnerie d'art de Bruxelles. J'ai découvert que je connaissais le métier, en fait, que j'avais pas besoin d'apprendre le métier. Ça peut paraître assez étrange, mais voilà, j'avais un prof qui disait, bon, il n'y a pas de magie, la forge, c'est de A jusqu'à Z. Qui disait, voilà, vous faites comme ça. Je dis, mais merde, en fait, c'est ce que je fais tout seul. Je n'ai pas eu besoin d'apprendre. C'est quelque chose comme ça. Bon, donc j'ai appris un petit peu après que... Parce que je disais toujours que quelqu'un m'aidait en haut. Et j'ai appris que mon arrière-grand-père était forgeron. Ah. Voilà. Et donc ouais. Je pense qu'il y a lui et certainement d'autres personnes qui faisaient que... Donc c'était en toi, finalement. Oui, c'était en moi. Ouais. La sculpture, c'est sûr que j'ai évolué dans un milieu d'artiste, puisque mon père est peintre et écrivain. certainement pour me différencier aussi, bon, je suis d'un autre côté, je suis vraiment pas doué du tout en peinture, ce qui me permet de pouvoir peindre dans ma tête, hein. Je suis un grand rêveur en plus, et de pouvoir sculpter dans ma tête, faire mes croquis. Alors il fallait les reproduire, donc là c'était vraiment le grand deal, hein. c'était le challenge. J'adore les challenges, je trouve que la vie est un défi, enfin la vie, il y a plein de défis dans la vie, plein. Il faut oser, et oser rêver, et oser croire en ses rêves, ça c'est une magie. Il y a trop de gens qui baissent leurs bras, moi je ne suis pas d'accord avec ça. Je dis qu'il y a toujours moyen de trouver un petit soupçon de courage, et une petite étincelle, et se dire, let's go, on y va, on essaye. Au moins si on essaye qu'on rate, on a essayé, on n'a pas de regrets. Ouais, sinon on se dit, ben, j'aurais dû, etc. Oui, franchement, ouais, pour moi c'est vraiment très important. C'est ma philosophie en tout cas. Ouais. Et avant tout ça, il y a eu la cuisine. Oui, je suis passé des feux du fourneau de la cuisine au feu de la forge. Ouais. Et oui, l'école hôtelière. Ouais, c'était une envie de gamin, ça. Ma maman est une excellente cuisinière. Et on avait la chance de fréquenter très souvent les restaurants. Ce qui a fait que je suis tombé amoureux de ce métier. Alors qu'on a essayé de me mettre beaucoup de bâtons dans les roues. Genre mon père, tu vois, ne fait jamais ce métier, mon fils. Un resto, c'est fait pour aller faire la fête, bouffer, boire et s'amuser. Et certainement pas pour être derrière les fourneaux pendant que les autres s'amusent. J'ai dit, bon, moi je veux le faire. Donc je l'ai fait. Ouais. J'ai travaillé dans les restaurants pas mal de temps, par période. J'ai eu un restaurant ici, à Saint-Louis, qui s'appelait Le Mont-de-Charge, qui a très très bien fonctionné. Tu faisais quel type de cuisine ? Franco-italienne. Ah oui, parce qu'il y a aussi une partie italienne. Hein. Oui. Voilà. Cuisine un peu gastronomique, on va dire, mais sympa. La journée à l'atelier, le soir à la cuisine. Donc toujours au fourneau, effectivement. Toujours au fourneau, oui. Ouais. J'aime beaucoup l'activité. Maintenant, j'apprends qu'il faut lever le pied, donc je le lève difficilement. C'est très dur à lever le pied, mais je le fais. Le restaurant continue sa vie à Saint-Louis ? Le restaurant a été revendu, a été n'importe quoi, et maintenant, je pense, c'est toujours n'importe quoi. Mm-hmm. La page est tournée, comme j'ai dit tout à l'heure. Ouais. C'est très bien comme ça. Ce qui fait qu'ici, au bord du fleuve Sénégal, dans cette maison, tu cuisines ? Pour bien toi, sûr. Pour tes amis, si tu invites des amis Oui, bien entendu. J'ai quelqu'un qui vient travailler ici, mais qui ne fait pas les repas. Je refuse. J'aime me faire ma petite tambouille moi-même. Et j'adore cuisiner, j'adore recevoir des gens. Je le fais pas souvent, parce que j'ai pas beaucoup d'amis à inviter ici, tout simplement. Ou pas beaucoup de gens avec qui j'ai suffisamment de complicité pour pouvoir les inviter. Mais je le fais, quand je le fais bien. Si nous étions tes amis, Cassien, si tu nous avais invités ce soir, là, sur les bords du fleuve, sur cette terrasse qui est magique, qu'est-ce que tu nous préparerais, par exemple ? Eh bien, vous avez beaucoup de chance, parce que j'ai justement de la langouste dans le congélateur. Donc voilà, je n'irai pas plus loin, tu vois. Et une bonne langouste grillée, tout simplement, avec un peu de beurre de thym. J'ai eu de très bons vins, puisque je suis rentré il n'y a pas très longtemps, donc il me reste de très bonnes bouteilles de vin. Et on aurait même pu prendre une bouteille de champagne comme apéro, la totale. Bon, Mohamed, lui, ne boit pas d'alcool, hein, de toute façon. Voilà, et un Coca Light. Hein. C'est une ville d'artistes, Saint-Louis. Tu côtoies d'autres artistes. Non. C'est une ville de musique aussi. Alors, le jazz, parce qu'il y a ces sculptures. Il y a Ray Charles, il y a des sculptures consacrées au jazz. Il y a un festival de jazz aussi à Saint-Louis. Il y a un festival de jazz à Saint-Louis. Il y a effectivement beaucoup de musiciens. Dont quelqu'un aussi qui travaille dans la musique, qui est ton voisin. Dont Booba. Exactement. Booba et Juliette. La vie n'est pas simple, je pense, la vie n'est pas simple à Saint-Louis. Je pense au Sénégal en particulier. Pour les artistes, que l'on soit musicien ou peintre ou whatever. Pour la reconnaissance de l'artiste ? Je pense pour qu'un artiste puisse vivre on va dire dignement et décemment. Ils n'ont peut-être pas la chance que moi j'ai. Et je n'ai, voilà, comme je dis, quand la soupe est bonne, elle est bonne. Mais pourtant, ce sont des très très bons artistes. Mais bon, voilà, il y a des choses qui manquent, je ne sais pas lesquelles, mais c'est comme ça, malheureusement. Mais sinon, oui, la musique est dans mon cœur. Ouais. J'adore la musique. Et plutôt le jazz ? Je suis très attiré par par toute la musique, mais j'ai été assez attiré pendant une période, donc par le jazz. Je suis un petit musicien, mais je joue de temps en temps de la musique. De quel instrument ? De la guitare, de temps en temps. Mm-hmm. Je gratouille pour moi, mais j'aime. Le soir, ici, là ? Oui, oui. Ouais. Et je suis tellement distrait que j'ai descendu ma guitare il y a 2 mois de Belgique. J'ai ouvert la pochette, je me suis dit, merde, j'ai pris la mauvaise, celle qui est cassée. Ah. Donc là, je suis un petit peu paralysé, malheureusement. Mais c'est pas bien grave. Hein. Mm-hmm. L'amour est là pour l'instant, donc c'est magnifique. Hein. Donc le jazz, oui, j'ai passé pas mal de temps à observer les musiciens. Et en fait, observer ce qui se passe. Puisque quand on joue de la musique, peu importe le niveau auquel on se trouve, en dessous des vêtements, il y a toute une chose qui se passe. Je ne sais pas si vous êtes musicien. Même lorsqu'on écoute de la musique, la personne sensible va avoir ses poils qui vont s'hérisser, ceci, cela. Le musicien qui va aller chercher la note, ses doigts de pied vont se recroqueviller, ses doigts de pied vont se mettre d'une telle façon. Son épaule va se bouger, son corps va se déhancher. Et c'est ça que je veux reproduire. Et c'est ça qui m'a permis finalement de pouvoir rentrer dans la matière, dans le métal. Parce que le métal est une matière très très froide, à laquelle il est excessivement difficile de donner une chaleur humaine. Et en reproduisant ces musiciens, ce qui était donc vraiment un très grand défi, j'ai réussi à capturer l'instant de musique, la note de musique, le moment où le gars, tac, démarre. Juste le petit moment, ouais. On fait un arrêt sur image. Et ça, c'est en tout cas pour moi, c'était vraiment une réussite. Et c'est ce qui m'a permis d'aller chercher le détail, de trouver le détail, de me prendre la tête pendant des heures et des heures et des heures ici, puisque je suis autodidacte, donc je n'ai jamais appris. Mm-hmm. Donc je dois essayer d'imaginer les choses, comment je vais les faire, comment je vais les réaliser. De ne pas dormir pendant des jours et des jours et des jours, et me faire des trous dans le ventre. Mais bon, le résultat est là, et voilà. Et donc, dans ce bar de jazz qui s'appelle The Sounds, à Bruxelles, j'allais passer pas mal de temps, en prenant une bonne bouteille de vin, puis une deuxième. Seul, jamais y aller seul, et observer, juste observer, et alors me téléporter et devenir le musicien. Puisque j'ai toujours rêvé aussi d'être musicien, et bien je le fais quelque part à travers mes sculptures, parce que c'est pas mon âge que je vais apprendre à jouer, à faire des gammes et ceci et cela. J'ai d'autres chats à fouetter, et donc ça reste un rêve, on va dire. Kensembe hande kakare jango Kensembe hande yakare jango Songendi nodi inani nodi Songendi nodi inani nodi. Alors les musiciens sont des musiciens, me semble-t-il, pour la plupart, enfin anonymes, c'est pas un musicien précis. Voilà. Sauf Ray Charles. Ray Charles et Manu Dibango. Ah, et Manu Dibango aussi. Ah, Manu aussi. Bah oui, Manu Dibango, bien sûr, et son saxophone, ouais. Mm-hmm. Mais qui s'est fait un petit peu par hasard. Je n'ai pas vraiment voulu faire Manu Dibango, je m'amusais. Et puis, après, je me suis dit, tiens, oui, ça lui ressemble. Donc, j'aurais dû logiquement l'allonger de 20 cm, mais la sculpture était terminée, malheureusement. Et, L'idée première n'était pas de faire Manu Dibango. Non. Ouais. Et pour Ray Charles, l'idée première était de faire Ray Charles. Oui, Ray Charles m'a pris un an de travail. Il est né ici, Ray Charles ? Oui, bien sûr. Ray Charles, je l'ai fait ici, dans mon atelier, pendant un an. Ouais. C'est l'œuvre de ma vie, probablement. Ça doit être étonnant de voir naître ces musiciens de jazz ici, sur les bords du fleuve à Saint-Louis. Oui. Pour nous, ça fait partie du quotidien. Mais c'est certain, quand on a des visiteurs qui viennent, qui voient des photos sur le net et puis qui arrivent, qui disent « Mais c'est ici que tu fais tes sculptures ?» Nous, on imagine plutôt le loft parisien ou ceci ou cela, tu vois. Ouais. Et j'ai dit « Non, c'est ici que ça se passe, les pieds dans le sable. » Tout à fait. C'est pas toujours facile, je pense, pour quand tu reçois des amis ici. Je pense qu'ils ont un peu de mal à partir. À quitter. Généralement, ben c'est pour ça que je fais une chambre d'amis, en fait. Fin de ce Suivez le guide au Sénégal. Merci Gatien Dardenne. Un grand merci à Jean-Jacques Bancal. l'ami de Richard Bohringer. Et comme Bohringer, lors de notre séjour à Saint-Louis, nous avons été hébergés à la résidence, l'hôtel et restaurant de Muriel et Jean-Jacques Bancal. Un grand merci aussi à celui qui a tracé la feuille de route de notre séjour à Saint-Louis du Sénégal, Richard Bohringer. Merci à Mohamed Sacco, notre fil rouge. Suivez le guide préparé avec la précieuse collaboration de Janine Ortiz. Réalisation Roman Feocchio. Un guide conseillé, le petit futé Sénégal. Le blog followtheguide.blogspot.fr pour retrouver les photos des émissions. Et puis le site internet de la résidence à Saint-Louis, hôteldelarésidence.net.